Charlie & Co. Charlie and Co. Charlie & Co. Bonjour à tous, comme d'habitude sur Fadjet, Charlie & Co vous amène en balade sonore dans les rues de Nancy et ses environs, à la rencontre de ceux qui les animent. Associations, événements solidaires ou culturels, initiatives citoyennes, tout type d'action des acteurs locaux sur le territoire. Aujourd'hui, petit tour aux jeunes et cités de Lac-sous-Champ-le-Bœuf. Et comme à chaque fois, on démarre notre périple du 47 rue Charles III des studios de Fadjet. Vous n'avez plus qu'à nous suivre, c'est parti. On remonte la rue Charles III et le quartier Saint-Nicolas jusqu'à l'arrêt de bus du même nom. On prend ensuite le Corolle 2. Après un trajet d'une vingtaine de minutes, on s'arrête à Saint-Exupéry. À la sortie du bus se trouve une résidence. On y va et on trouve le jeune et cité grand ouvert. C'est ici qu'Anaïs, une de ses éducatrices, nous attend. Alors, on rentre. La prévention spécialisée intervient sur un quartier prioritaire, intervient auprès des jeunes, de leurs familles et des 16-25 déscolarisés. Okay. Nous, Champ-le-Bœuf, province, il y a jeune et cité au bassin de Pompée à Vendeuvre, à Toul, à Lunéville, et il y a une équipe aussi, parcours des réussites d'avant d'œuvre, y compris dans Jeunesse. Vous venez souvent ici, vous quatre, ou pas du tout? Souvent. Je viens pas souvent. Non, souvent rarement. Vous venez Une fois par semaine. Vous venez juste pour se poser, jouer un peu et passer l'après-midi, quoi. Oui. Ce que j'aime bien ici, c'est tous les jeux qui sont proposés, c'est le fait que vous pouvez être... Bah, la paix, c'était bien. Hein. Ouais, et j'ai... Et aussi, Anaïs, elle est cool. Ok. Elle est cool? Elle est cool. Ah. Bah, je voulais tout, je voulais l'enlever. Là, c'est à côté de toi. Je veux bien, ouais. Vas-y, on y va, on va aller. Tiens, faut mélanger tout ça. Sans. Tiens, tu peux te mettre là-bas. Bon, je commence le. Il y aura des grumeaux, hein. Le sucre, c'est combien? 4 grosses cuillères à soupe. Bah, ici, c'est gros. Vous savez, c'est combien pour s'inscrire ici? On va aller. Ici, c'est gratuit, il n'y a pas à payer. Le chef a souvent je fais. Souvent on fait du coup des ateliers cuisine ou ateliers loisirs créatifs. Hein, voilà. Du coup là on met sur Snap et les jeunes disent ah ouais je viens ou je viens pas. Du coup on sait plus ou moins quel jeune passe, mais on fonctionne rarement sur l'inscription. Oui. Allô. Oui. Ça va et toi? Ça va, ça va. Ben là, par exemple, du coup, tu as eu un appel d'un jeune. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu expliquais juste avant, c'est que lui, du coup, il a pu t'appeler du coup par Snapchat, donc ouais. Qui est une appli pas mal utilisée par les jeunes. Et ce qui m'a... alors, je vais pas dire choqué, mais ce qui m'a pas mal amusé, c'est que vraiment, il t'a appelé genre presque comme si tu étais sa grande sœur ou une pote. Ouais, t'es où? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en l'occurrence, ce jeune-là, il y a un lien qui est très solide parce que c'est un jeune... que je connais depuis maintenant presque 3 ans, 3-4 ans. Mmh. 4 ans et demi que je suis là et je l'ai toujours connu, quoi, voilà. Et c'est un jeune qui, les débuts étaient très difficiles, dans le sens où la religion musulmane pour lui avait une très grande place, enfin toujours une très grande place, mais il pouvait avoir des propos un peu presque inquiétants. Mmh. Et moi qui suis une femme tatouée, percée, qui fume des clopes, pour lui c'était hyper choquant. Okay. Donc les débuts ont été très conflictuels avec lui. Et en fait, je lui ai montré, on a pris dans ses jours, on lui a montré avec les collègues, c'était pas que moi, on lui a montré qu'il y avait d'autres avis et d'autres visions de voir les choses, quoi. Okay. Et du coup, il a totalement changé. Et du coup, on a une relation maintenant hyper, hyper simple, hyper facile. Nous, on essaie d'avoir, enfin, moi en tout cas, je le vois comme ça, j'essaie d'avoir la casquette et du cool qui est pas là pour engueuler tout le monde et faire de la morale. Nous, on est là pour. Quand on va en travail de rue, par exemple, on va pas en travail de rue. Pour aller enlever des jeunes qui squattent dans un endroit et de leur dire les gars, virez de là, c'est pas votre place, allez ailleurs, mais c'est pas notre rôle du tout. Mmh. Nous, on va aller voir le groupe de jeunes, le groupe de pères, on va aller les voir pour voir pourquoi ils sont là et essayer de les faire venir à Jeunesse Cité. Ça vous dit de faire un chantier, ça vous dit de faire une sortie. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et en quoi on peut vous aider? Comme ça, donc un chantier, c'est on l'appelle aussi activité d'utilité collective. Le jeune prend son temps. de son énergie pour faciliter ou aider quelqu'un de la collectivité, quoi. Ça permet aux jeunes de s'investir pendant ses vacances scolaires. Ça permet aussi de s'autofinancer, enfin voilà, la sortie. Du coup, au lieu de payer 20 euros la sortie, bah, tu fais du coup 2-3 jours de chantier éducatif et du coup, à contrepartie, on va en sortir. Et vous venez tout le temps à 4? Vous venez des fois seul, des fois à 2? Des fois à plusieurs. De base, on y est plus, mais ils ont déménagé. Ah. C'était lui avant et nous, ouais. C'est la deuxième fois qu'on vient nous trois. Ok. On parlait justement, tu donnais certains exemples de certains chantiers pardon, qui pourraient faire ça peut être des travaux manuels, construire des gens en bois, repeindre de cap. Est-ce que là il y en a quelques-uns qui te viennent en tête où tu es particulièrement fier et tu dis ah ouais, mes jeunes ils ont fait ça et. Je suis tout le temps fier. J'imagine. Je suis tout le temps fier. Après, tous les chantiers qu'on fait, pour moi, ils ont du sens, ils sont importants. Et même si c'est juste réparer un bac à fleurs qu'on a nous dans notre jardin, c'est pas forcément visible, le jeune, ça le valorise. Et voilà. Il y a un chantier aussi qui était intéressant que j'ai fait là, en 2023. C'était pendant les vacances d'octobre. On a fait un partenariat avec la Clairière, le centre social donc, du Haut du Lièvre. Et on avait créé un jeu pour Halloween qui s'est transformé un peu en escape game Cluedo géant. Et là, c'était ultra cool parce que les jeunes se sont éclatés. Du coup, ça les a perturbés aussi un peu. Ils nous disaient ça change de la peinture, ça change de machin. Enfin, ils avaient l'impression de travailler moins. Oui, c'était un peu plus ludique. Donc, c'était un peu plus ludique et du coup, on faisait des réunions. En fait, on était assis à des tables. Voilà, on fait comment ? On fait des stands. Ah, on fait des stands. Combien de stands ? Et qu'est-ce qu'on fait à ces stands ? Et comment on les habille, comment on les maquille, comment on les machins. Donc du coup, c'était pour eux, c'était pas travaillé quoi. Ça permet aussi de leur montrer qu'il y a pas que, enfin que le mot chantier veut pas n'englobe pas que des travaux manuels et voilà. Et donc ouais, ce chantier particulièrement était vachement cool. Donc, le dernier jour, il y avait une restitution à la famille. C'est-à-dire qu'on a créé le jeu, mais pas pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a créé le jeu pour en vue que les jeunes animent ce jeu auprès de leur famille. Ils ont vraiment eu la casquette animateur pendant une soirée. Et c'était trop bien de les voir comme ça, où ils se sont vraiment pris dans le jeu, et comme c'est eux qui l'avaient créé, c'était un peu leur bébé, donc du coup ils ont voulu. Donc ils avaient une certaine. Et ils se sont prêtés au jeu, ils se sont déguisés, ils se sont maquillés, ils ont mis du rouge partout sur les tables pour faire face à Loïc, enfin voilà, donc ils ont vraiment pris à cœur le truc, donc c'était vachement bien. Parler des parents, quel est le lien entre. Quel lien fait cité jeune avec les parents? Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites? Est-ce que vous cherchez un type de dialogue en particulier? Bah nous, dans la prévention spécialisée, telle que c'est écrit, c'est les jeunes et leurs familles. Et on se rend bien compte que parfois c'est compliqué. Il y a certains parents avec qui on a des contacts, des parents des jeunes qu'on accompagne ou qu'on croise à la salle jeune ou sous le quartier. Mais il y a aussi des parents qu'on ne voit pas. Mais du coup, on a aussi notre pôle parentalité, donc soutien à la parentalité, où du coup, là, on a des actions envers les familles qui ne sont pas forcément les familles de jeunes qu'on connaît. Mais du coup, ce pôle-là, il y a des ateliers qui sont parents-enfants pendant les vacances ou les mercredis après-midi. Du coup, on a des fois, on prend 2-3 familles en petits groupes, on prend le bus, on va à la PEP, on va se faire un mini-golf. Ça permet d'avoir des temps parents-enfants, des moments loisirs et ludiques en famille. Donc on fait des actions voilà, parents-enfants et on fait aussi des actions que parents tout seuls. Je pense à l'atelier couture tous les vendredis. On a une couturière professionnelle qui vient faire les ateliers couture. Les mamans viennent, elles sont 5-6. Et du coup, elles viennent, soit on leur passe commande entre guillemets, elles ont fait les housses par exemple du petit canapé, du petit fauteuil, soit elles viennent. L'idée c'est qu'elles viennent rafistoler un peu voilà, le jean est troué plutôt que d'en racheter un de jeté. Viens, on t'apprend comment réparer le jean. On fait du sport aussi avec les mamans, on fait via femme relais, ça me paraît pas. Mais un mercredi sur deux, on a un petit groupe de mamans, 10 mamans, on fait du jardinage avec elles. Et on fait des actions aussi sorties, quoi. On fait des petites sorties ateliers bien-être, des choses comme ça. On va au terme, enfin parents avec les mamans. On a des mamans entre elles qui viennent aussi. Elles savent faire les ongles, elles savent faire la coiffure, donc hop, elles viennent. Elles se font des petits ateliers comme ça entre elles, elles adorent ça, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc on prend pas en charge les enfants de moins de 11 ans, mais on les prend en charge via cette. On fait des week-ends famille aussi, donc avec le dispositif de réussite éducative de Max et Ville. On a fait deux en 2022. on va recommencer ça en 2024. On n'a pas la figure, éducation nationale, dans le sens où on n'est pas au collège. Ils peuvent dire wesh, peuvent dire voilà, par contre les gros mots et le respect entre eux, même si pour eux c'est pour rire, qu'ils se rendent pas compte que c'est ce qu'ils se disent entre eux, les gros mots, des insultes, pour eux c'est pour rigoler, c'est comme un petit surnom ou... Ouais. Sauf que nous, alors eux ils comprennent pas, mais nous on leur dit bah quand même un minimum quoi. Parce que du coup, faut qu'ils soient tous... L'idée c'est qu'ils soient tous dans un environnement sécurisant. Et puis d'être surtout présent, c'est vraiment la principale, c'est d'être présent sous le quartier, quoi. Si on n'est pas, c'est le fait d'être disponible, quoi, pour eux. Avant de se quitter, on rappelle quelques infos. Jeunes et Cités est une association du Grand Nancy. Des équipes sont présentes à Toul, à Lunéville, au quartier Provence, au bassin de Pompée et au quartier Champ-le-Bœuf. Ce dernier accueille les jeunes de 11 à 25 ans du lundi au vendredi. Des activités sont aussi préparées et proposées plusieurs fois par mois, la plupart étant gratuites. Des événements pour les parents sont aussi souvent proposés. Le Jeunes et Cités de Champ-le-Bœuf se situe 3 rue de la Crune à Maxéville. Plus d'informations sur le site Jeunes et Cités tout attaché avec le mot jeune au pluriel. .com ou sur la page Facebook Jeunes et Cités Champ-le-Bœuf. Voilà, Charlie & Co, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient très vite pour de nouvelles aventures dans les quartiers de Nancy et son agglo. En attendant, retrouvez tous les podcasts sur le site de la radio, budget.net. Ciao!